À l'occasion de la journée de la brillante étoile, les rassemblements, séminaires sur les exploits du général Kim Jong-il, conférences, séances de lecture, expositions de livres et de photos et séances de films ont eu lieu aux partis politiques, parlements et formations de Mexique. Dans les salles de cérémonie étaient exposées les photos qui montrent les exploits du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du dirigeant suprême Kim Jong-un, les œuvres classiques des grands hommes Baek-tsan et autres livres coréens, et les photos des militaires et civils coréens qui créent l'âge d'or dans l'édification d'un État puissant socialiste. Aux séances de film, on a projeté le documentaire coréen « Les confettis de feu de la grande puissance prospère ». Y ont pris part les personnalités de différents milieux et les habitants du pays hôte.